FrenchPod.com. Ce gibier de potence, trois sorties de l'enfant. Tu travailles lundi ? Non, mardi est un jour férié. Tu fais le pont alors ? Bien sûr.